بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاليوم إن شاء الله نقرأ في هذا الكتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب رحمه الله. Et on a déjà lu ensemble dans ce livre, Walillahi alhamd, ce qui concerne le mois de Ramadan et le mois de Muharram. Au hada al-kitab, on a déjà expliqué qalilan le sujet de ce livre, Lata'if al-Ma'arif, fima limawasim al-am min al-wada'if. Donc c'est un kitab très très utile. Limadha li'anna al-hafidh ibn Rajab, rahimahullah, l'imam al-mashhur, dans ce livre, il a cité les 12 mois de l'année, ou la plupart des mois, et il a montré al-wada'if al-khassa bi hadha al-shahr, et tout ce qui concerne ce mois. Il m'a des choses à faire, il m'a des choses à ne pas faire, sans rentrer dans les détails fil fiqh. Lakin c'est un kitab surtout de mawa'id, nasa'ih, tanbihat muhimma par rapport au mois de l'année. Et comme on a fait pour le mois de Ramadan et le mois de Muharram, on continue aujourd'hui avec le mois de Safar. Bi idhnillahi azza wa jalla, da'iman naqra bi باختصار on lit pas tout lakin نختصر on résume et à notre niveau ce qui nous intéresse نحن c'est de résumer et de comprendre بعض هذه الوظائف الطيبة إما pour faire cette chose qui est liée à ce mois précis إما pour s'écarter de cette chose qui est liée à ce mois précis et aujourd'hui comme on a شهر رجب أو شهر صفر قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وظيفة شهر صفر قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا هام ولا صفر لا هام بالتخفيف وبعضهم يقرأ بالتشديد لا هام هذا لا هنا سي لا هام أي sans appuyer sur le ميم فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبا فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول هذا الحديث تقدم معنا والله الحمد لله في l'explication du kitab التوحيد Hadith Abi Huraira sur At-Tayyara, dans une riwaya, la adwa, wa la tayyara, wa la hama, wa la safar. L'ulama, il le cite dans bab At-Tayyur. Et Ibn Rajab, rahimahullah, ce mois de safar, il n'y a pas une adoration spécifique à faire. Contrairement au mois de Ramadan, au mois de Shawwal, au mois de Dhul-Hijjah. À hada al-shahr, il n'y a pas une ibada spécifique à faire, qu'elle soit obligatoire ou recommandée. Lakin, à hada al-shahr, kathirun min al-nas, il pense que si tu te maries durant ce mois ou tu fais telle chose, tu voyages pendant ce mois, fa il va t'arriver telle chose. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر. أي النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الأمور. Donc bien comprendre que dans notre cours, tout ce kalam qu'on va lire ensemble, qu'on va résumer, et puis, Hawlillah Azza wa Jal, c'est sur ce point, sur At-Tayyara. Ils traduisent par la superstition. Et on peut donner une nubda mukhtasara de At-Tayyur, ou At-Tayyara. L'ulama, il l'appelle imma At-Tayyur, imma At-Tayyara. Donc, ce bab, taqaddam ma'ana fi sharh kitab At-Tawhid. Amma At-Tayyara, faqala al-imam, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد في اللغة مصدر تطير وأصله مأخوذ من الطير التطير أو الطيرة سامين جمو الطير أي أنوازو أن أغرب لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور التشاؤم c'est penser qu'il arrivera un malheur, une mauvaise chose. التفاؤل c'est le contraire, penser que si tu vois ou tu entends telle chose, fa, il y aura quelque chose de bien. Fa al-Arab, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, ala at-tariqa al-ma'ruf 'indahum bi-zajr at-tayr. ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك. مثلا avant de voyager il faisait هذا, il prenait un oiseau et il le laissait s'envoler. Si cet oiseau il partait en direction de la droite, enfin pour eux il pouvait voyager. Si il partait en direction de la gauche, enfin pour eux il allait leur arriver quelque chose de mal, un malheur. هذا هو التطير أو الطيارة. Et قوله لا سفر, c'est من هذا الباب كما سيأتي معنا. قوله عليه الصلاة والسلام لا سفر لماذا لأنهم كانوا يتشأمون بماذا بصفر avec ce mois. فتو comprends من هذا أن قولهم التطير أو الطيارة ils l'ont pris de الطير, c'est un exemple فقط, c'est devenu un اسم على هذا الشيء. وإلا que ce soit avec un oiseau, que ce soit avec un chat, que ce soit ceux qui passent sous une échelle, ou que ce soit avec un jour, tel jour il ne faut pas faire, ou un mois, ou s'il a vu tel animal, tout ça, ça rentre fait هذا المسمى التطير. هذا أولا. ثانيا, le lien entre هذا الباب أي التطير أو الطيرة et التوحيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما لمن مصدر القول المبيد, واعلم أن التطير ينافي التوحيد ووجه منافته له من وجهين. هذا التطير, cette croyance, le fait de penser que si tu passes sous une échelle tu vas avoir un malheur, ou si une femme ou un homme il lave ses vêtements le mercredi il aura telle chose, ou si il se lave la nuit ou le samedi il peut être touché par un mal. Toutes ces khuravats, ça contredit at-tawhid min wajhayn. On va voir que ça peut l'annuler complètement, ayyadan billah, ou ça peut diminuer l'iman et affaiblir le tawhid de cette personne. Et cette personne, elle reste musulmane, mais elle a un problème dans sa croyance. Deux cas. قال الأول أن المتطير. Mutatayir, c'est celui qui va avoir cette croyance. Il va avoir un chat noir, مثلاً. Et il avait l'intention de voyager, il fait demi-tour. Il dit là, j'ai vu un chat noir, ça porte malheur. قال أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. أين التوكل على الله؟ المؤمن يدي حسبي الله ونعم الوكيل. المؤمن من من من أبرز صفاته أنه يتوكل على الله. Parmi les caractéristiques du مؤمن أنه يplace sa confiance en Allah. بالله عليكم, qu'est-ce que une échelle ou un chat noir, ou que tu sois dans le mois de Safar ou le mois de Sha'ban, qu'est-ce que ça va changer si tu voyages? Al-umur c'est bi-idhni Allah azza wa jalla bi-qadri Allah. Falihada fi al-haqiqa ha'ula ils ont un problème fi tawakkulihim 'ala Allah. Lian Allah azza wa jalla si la qadr que tu dois faire un accident, que tu vois un chat noir ou tu ne vois pas de chat noir, tu feras cet accident. Et si Allah il a qadr que tu ne fasses pas d'accident, si tu voyages, même si tu vois 1, 2, 3, 10 chats noirs, il ne t'arrivera rien. Et qalbul mu'min qui applique cette ibadah azima, at-tawakkul, place sa confiance, al-haqiqa la yubali bi hadhihi al-umur. Qu'on soit au mois de Safar ou au mois de Shawwal, qui voit un chat noir ou un chat blanc, pour lui ça change rien. Tout ça c'est des khurafat. C'est des inventions, ils se font beaucoup de mal à cause de ces choses. Le deuxième point, le lien entre التطير et التوحيد, أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. On vient de le citer en exemple. الحقيقة, c'est s'accrocher à une chose qui est fondée sur rien. صحيح, si tu te poses la question, le lien entre le malheur est passé sous une échelle. كم من الناس ils passent sous des échelles et ils ont rien. Et كم من الناس ils sont atteints de maladie ou de pauvreté ou un problème avec leurs enfants ou leurs femmes ou dans leur din, et ils ne sont pas passés sous une échelle à tel moment. تتعجب من هذا ونسأل الله السلام. هكذا celui qui s'écarte de son din, هكذا celui qui donne pas d'importance au texte du Coran ou au Sunna, هكذا celui qui ne fait pas d'effort pour préserver ce cœur. On dirait ce cœur il va être touché, affaibli si cet être humain il voit un chat noir ou بعض النساء. Et المصيبة نحن لهذا الكلام هذا في الحقيقة من صفات المشركين أهل الجاهلية. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde la adwa wala hama wala safar wala tayra. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre هذا, لأن c'était propagé في قريش. وللأسف à notre époque كثير من المسلمين ils ont encore cette croyance. تعلمون أن بعضهم أو بعضهم des femmes elles ont beaucoup de linge sale مثلا. Et ils ont besoin, leur mari il a besoin, l'enfant il a besoin d'habits propres. Si on est samedi, il lave pas les affaires. Limada, je te pose la question, pourquoi? Enfin, les khura, ils disent là, le samedi, c'est pas bien. Men qal. Quand ils disent le samedi, c'est pas bien, ou j'ai entendu, on m'a dit men. Est-ce que c'est un verset du Coran? Abadan. Est-ce que c'est un hadith du prophète Aïssa al-Salam? Abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en garde contre cela. Enfin, c'est basé sur quoi? Sur rien du tout. Wa'adhum, ils se lavent pas le mercredi. Wa'adhum, ils nettoient pas la maison tel jour. Wa'adhum, ils voyagent pas tel mois. Wa'adhum, ils se marient pas. Ils se marient pas au mois de Shawwal, mathalan. Ayyadan billah. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه تعلق بامر لا حقيقه له بل هو وهم وتخيل فاي رابط بين هذا الامر وبين ما يحصل له صحيح il est où le lien واحد il a fait un accident il peut avoir des causes peut-être que sa voiture il avait des problèmes il avait des mauvais pneus il avait un problème au niveau des roues au niveau des feux au niveau des freins الله اعلم ربما c'est lui le sebeb. La voiture elle est en très bon état, mais c'est lui qui conduit mal, il n'a pas respecté. C'est ses causes qu'on doit faire attention. C'est pour ça qu'avant de voyager, tu vérifies l'état de ta voiture. Kadhalik, tu fais attention. Plusieurs choses quand tu conduis. L'alcool, yadam billah, c'est très très grave. Comme minan nas, ils sont morts à cause d'alcool. Nous on évite parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Et kadhalik, ça fait du mal, donc on ne boit pas. Que ce soit au volant ou en dehors du volant. Lakin, au volant, encore pire. On fait attention, kadhalik, une chose, le sommeil. Comme minan nas, ils font des accidents. C'est pas parce qu'ils ont vu des chats noirs, ça n'a rien à voir. Là, c'est parce qu'au lieu de faire une pause, il persiste, il insiste, il veut arriver vite, il ne dort pas. Thumarubbama, une fraction de seconde, il s'endort et il fait un accident. Kadhalik, la vitesse. Ba'dhan nas, ils sont pressés. C'est pour ça que notre din, il approuve tout ce qui est code de la route. C'est pour ça que les savants, ils montrent beaucoup qu'il faut respecter. Si c'est limité à 100, roule à 100. S'ils ont limité à 100, c'est pour une raison. C'est des gens, c'est des professionnels qui ont étudié et là, agrément, ils nous ont montré cette limitation de vitesse. Enfin, on respecte. Wa'adhanna, s'ils ne respectent pas, ils font un accident. Thumma. Ça vient de la faiblesse, ayyadam billah. Et ça vient qu'adalik, le cœur malade. Emma, c'est la jalousie d'un tel. Il lui a porté l'œil, comme ayakouloun, le mauvais œil. Emma, c'est min hadal bab. Annahu, il ne fallait pas voyager, on a tel mois ou tel jour où j'ai vu un chat noir. Et ils ne sont même pas en cause. Robama, il a dépassé la vitesse le double. L'insan, il faut qu'il soit aqil. Il faut qu'il soit aqil et il revient à son din. Notre din, il a fermé les portes à tout le mal. Et il nous a montré le chemin du bien. Amma al-hukm. Est-ce que cette croyance, elle fait sortir de l'islam? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, toujours dans le Qawl al-Mufid, il a résumé les gens, ils ne sont pas au même niveau. Wa'aduhum, iyadam billah, leur tatayur, il les fait sortir de l'islam. وبعضهم لا ça reste des musulmans mais c'est du shirk asghar. فقال رحمه الله ça peut être du shirk akbar. قال وذلك لو يعتقد ان ذلك الشيء المتطير به. Ne pas confondre le mutatayyir bil kasr et le mutatayyir bil fath. Le mutatayyir c'est celui qui a cette croyance, le mutatayyir c'est le chat noir par exemple. فقال يجلب او يجلب النفع ويدفع الضر استقلالا من دون الله. هذا لا شك في سقطه الاسلام. Et هذا الحقيقة c'est قليل. Les gens ils ont pas cette croyance. مثلا il a fait un accident, ouais, il pense que c'est parce qu'il a vu un chat noir, il sait que c'est pas le chat noir qui gère et qui a fait qu'il a fait un accident là. Ouais, il pense que c'est une cause. فلهذا بعض العلماء quand la question leur fut posée, est-ce que c'est du shirk, ils disent c'est du shirk asghar. Ils citent pas cette catégorie. وإلا لو تفصيل il faut la citer même si elle arrive pas souvent. Celui qui croit en Al-Mutatayyir Bih, et cette chose, c'est vraiment elle qui a apporté ce bien, ou apporté ce mal plutôt, ou repoussé ce mal, apporté ce bien, ou apporté ce bien, il a akhiré, هذا لا شك, c'est du shirk akbar. Le deuxième cas, et c'est celui qui est répondu, لو اعتقد أنها سبب, أي أن cette chose, c'est une cause, والله هو المسبب. Si tu lui demandes, ouais, il dit, je sais que c'est Allah qui a tout créé. Je sais que c'est Allah qui a tout prédestiné, le qadr, il a arrêté. Lakin, il pense que c'est une cause. Là, on a cité les véritables causes. La vitesse, l'alcool, le fait de ne pas dormir par rapport aux accidents. Mais هذا, c'est pas une cause. Et ta'lamoun, et ta'skuroun. La qa'ida nafi'a qu'on avait cité fi kitab al-tawhid. Anna man ja'ala sababan ma laysa bi sababin. Faqad ashraka shirkan asghar. Celui qui place un sabab ou qui pense que cette chose c'est un sabab, une cause, alors que ce n'est pas une cause, هذا الحقيقة il fait du shirk asghar. Lakin ce shirk il ne le fait pas sortir de l'islam. ثم قال le troisième, il y a une troisième catégorie, أن يقع شيء من التشاؤم في قلبه لكن يدفع ويمضي فهذا لا بأس به. نعم كما جاء في حديث ابن مسعود on l'avait lu ensemble في كتاب توحيد. نعم وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا et chacun de nous في الحقيقة on est touché par هذا لكن الله سبحانه وتعالى يذهبه بالتوكل. فsi quelqu'un il ressent ça dans son cœur, مثلا il veut voyager, ثم il pense que Obama c'est un mauvais jour parce que telle chose il le repousse, يتوكل على الله, il repousse cette chose, c'est basé sur rien et il place sa confiance en Allah. Fahada, c'est pas du shirk et hada, ça arrive. L'essentiel, c'est de repousser. Fahadi, muqaddimatun, on devait la faire. Les mahada, les annalbaad qui vont écouter hada dars, probablement, ils n'ont pas étudié hadihi al-mas'ala, fi kitab tawhid ou fi ghayrih. Enfin, ce résumé, il est important pour comprendre le kalam de al-Hafid ibn Rajab. Hatta, on n'est pas obligé de détailler tout son kalam. Qala rahimahullah. On revient au hadith. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faman a'da al-awwal. أما العدوى فمعناها أن المرض يتعدى من صاحبه إلى ما يقاربه من الأصحاء فيمرض بذلك أي المرض كونتاجيوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى أي tu peux pas contaminer un autre. هذا si on traduit mot à mot. لكن تأمل قول الحافظ رحمه الله. وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها الجرب, ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب. Hey, Hadal Arabi, il a demandé au prophète alayhi sallam, un chameau quand il tombe est malade et il se mélangeait avec le troupeau et rendait les autres malades. Qala fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faman a'da al-awwal faman a'da al-awwal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Hadal Arabi, mais qui c'est qui a contaminé le premier? Ta'ammalu hada, le deuxième il a été contaminé par le premier, lakin le premier aussi est malade, qui c'est qui a contaminé le premier? Qala al-hafid wa muradu, pourquoi le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu hakada, wa muraduhu an al-awwal lam yajrab bil adwa bal bi qada'i llah wa qadarihi fakadhalika ath-thani wa ma ba'da. Ay an nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à hada al-a'rabi faman a'da al-awwal, qui c'est qui a contaminé le premier, pour lui montrer comme le premier il est tombé malade, bi qadari llah, le deuxième كذلك. Qala al-allama al-sheikh salih al-sheikh hafidhahullah dans شرح كتاب توحيد التمهيد إن فائدة نفيسة في هذا. يعني il faut pas comprendre من هذا أن العدوى, le fait de contaminer les maladies contagieuses, et si فلان il se rapproche de فلان ربما il est contaminé par sa maladie, أنه ça existe pas. لا, c'est pas ça مراد الحديث. فلهذا قال الشيخ صالح حفظه الله قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية, لأن لا حرف لا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفرة تسا حرف الهاء قال هنا نافية للجنس واسمها مذكور. هذا تقدم معنا دون شرح الأجرمية أن لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فهنا son اسم للسيتي, c'est pour ça qu'on dit لا صفرة, on dit pas لا صفر, on met une فتحة à la fin. قال وخبرها محذوف لأجل العلم به, لأن هذه لا لا نافية للجنس على اسم لا خبر. الاسم هنا إلى السيتي لا سفر, on a pas le خبر لا سفر كوا. فقال هنا بوكو إلى باسيتي, لماذا؟ لأنه إلى كونيو إلى معلوم. قال فإن الجاهليين أي ceux qui vivaient à la période avant l'islam الجاهلية يؤمنون بوجود هذه الأشياء. قال ولا ويؤمنون ايضا بتاثيرها. Tu as deux choses, tu as الوجود, et que cette chose elle existe vraiment, مثلا les maladies contagieuses, même nous on y croit à هذا. تاملوا هذا, c'est important. Et tu as التاثير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا طيره, قال فالمنفي ليس هو وجودها وانما هو تاثيرها, فيكون التقدير هنا لا عدوى مؤثره بطبعها ونفسها. Hey, tout ça c'est biqadar illah. Fulani tombe malade, c'est biqadar illah. On n'y pas anna al-adwa ça existe, lakin at-ta'thir c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma qala la adwa, ça veut pas dire que ça existe pas, là c'est pour montrer anna hadha ash-shay la yu'athir bi nafsihi. Pourquoi? Lianna faut pas mélanger entre al-asbab et celui qui a qaddar al-asbab, Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ils font cette erreur, ils citent les causes et ils ne citent pas celui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé cette cause, qui a fait que cette cause elle agisse amla. Falihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man a'da al-awwal, أي pour leur montrer الاعتصام الإيمان بقدر الله عز وجل et ne pas s'accrocher aux causes. هذا قال الشيخ صالح وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها أي eux pensaient que العدوى تنتقل بنفسها أي par elle-même. Et ils ne croyaient pas au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأبطل الله ذلك الاعتقاد فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها. فقوله لا عدوى فأن التأثير il n'est pas بنفسها لا il est بقدر الله عز وجل. Ça veut dire quoi هذا? Pour vous simplifier. Ça veut dire أن un animal il peut être malade. Maintenant si on prend l'exemple des chameaux. Une maladie qui peut contaminer d'autres bêtes. Ils peuvent se mélanger et bi qadar Allah azza wa jal aucune bête elle tombe malade. Limadha li anna Allah azza wa jal ma arad. Mafhoum? Et ça peut arriver anna cette bête malade elle se mélange au troupeau et elle rend malade une autre bête. Huna kisa qadar c'est Allah. Ça vous montre ces deux situations anna Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yuri. C'est pour ça que nahnu notre aqida elle doit être basée sur ça, pas sur les causes. Il y en a les causes, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. هذا قال فأبطل الله ذلك الاعتقاد فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة ولا صفر c'est la même chose avec ولا هامة ولا صفر et tout ça c'est بقدر الله عز وجل ce qui arrivera le mois de صفر ça peut arriver au mois de شوال ça peut arriver au mois de رمضان ça n'a rien à voir avec le mois Allah سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء متى شاء سبحانه ثم قال رحمه الله والصحيح أي كلام انتهينا من كلام الشيخ صالح للشيخ من التمهيد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ في ذلك بعضهم قالوا بالنسخ أي كسو حديث إلي تأبغجي إيه سيبا صحيح هذا ولكن اختلفوا في معنى قوله لا عدوى وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك تتوى كونخي كلام شيخ صالح علي الشيخ ستفاصل إدخال كومبخانسيون دو هذا الكلام فالصحيح أنهم أهل الجاهلية يبنسك هذه العدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بنفسها Et كانوا لا يؤمنون بالقدر فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى et comme vous le pensez vous il y a pas cette عدوى tout ça c'est بقدر الله et même si ça arrive que tel enfant il contamine un autre enfant ou telle bête elle contamine une autre bête tout ça c'est بقدر الله عز وجل هذا كلام جميل sur cette partie du hadith لا عدوى ثم قال الحافظ ابن رجب vous avez remarqué que tout le kalam sur le mois de Safar الحافظ ابن رجب رحمه الله il va expliquer هذا الحديث أو il a expliqué هذا الحديث رحمه الله ثم قال قوله لا هامة فهو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة وهو طائر يطير وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ Ça, c'est une explication. On ne l'avait pas cité, ou Rubama, on l'avait cité dans l'explication de Kitab Tawhid. Ça, c'est une explication. Anna qawluhu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ay, al-kuffar, fil jahiliya, ils avaient une aqida, une croyance, anna al-mayyit, l'être humain, quand il mourait, fa ruhuhu, ay, il était réincarné dans un oiseau. Ayyadam billah. Ça, c'est une aqida kufriya. Aqida al-tanasukh. Et le fait de croire que Fulani meurt, il est réincarné dans un autre corps. Il m'a être humain, il m'a un animal. Tout ça, c'est du kufr. لأن الله عز وجل حكم أن الميت لا يرجع في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حكم أن personne ne sera ressuscité avant l'heure. فهذا لا شك que ça contredit beaucoup de textes. هذا c'est un قول. القول الثاني, et c'est الأقرب, et c'est celui qui est répondu et c'est le plus juste, Il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله في القول المفيد قال التفسير الثاني il a cité le premier كذلك ثم قال التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون أن الهامة هي الطير المعروف البومة أي les chouettes les zibou c'est ça قولهم الهامة c'est cet oiseau أي qui vit la nuit qui sort beaucoup la nuit قال ils avaient une croyance sur cet oiseau لكنهم يتشائمون بها فإذا وقعت على بيت أخذهم أي أو فإذا وقعت على بيت ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت. Ils avaient cette croyance. Un cet oiseau, quand il se posait sur le toit d'une maison et commençait à chanter, à siffler, ils avaient une aqida, un sahib al-bayt, il allait mourir. Un celui qui était dans la maison, il allait mourir. Ça fait partie du tatayur. Ça fait partie de toutes ces khurafat. Si Allah il a qadr qu'un tel il mourra, même s'il n'y a pas cet oiseau, il mourra. Et si Allah il a qadr, il a destiné que Fulan il vivra même si cet oiseau il vient la nuit. Qala. ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كذلك ولا هام. It's exactly la même chose avec les chats noirs, avec وعدهم عياذ بالله. Ils ont une aqida, le vendredi 13 c'est le jour des malheurs. Tout ça c'est des khurafat. Et tout ça c'est من هذا الباب. Et c'est من التشبه بالمشركين الجاهليين. المسلم يتنزع عن هذا. نحن والله الحمد لله العقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، celui qui gère tout, celui qui guide qui veut, qui garde qui veut. Tout a été destiné avant la création des cieux et de la terre. On n'a pas besoin de ces khurafats. Vous avez remarqué que beaucoup d'égarements fait l'umma. On ne parle pas des kuffar. Les kuffar c'est des égarés. Beaucoup de musulmans ils se font du mal dans leur dîn et كذلك dans leur dunya. Les malades et ils n'ont pas compris l'asbab. Le sujet des asbab, les causes. Il mélange entre les causes dans la religion et les causes dans le dunya. Il mélange entre les causes réelles et les causes qui n'ont aucune source. Il mélange que d'aller contre les causes utiles et inutiles qui leur font du mal. C'est pour ça que tu trouves Adan Nas, Madalen, et ils sont sérieux. Yaqoulou lek, je voyage pas. Et ils te démontrent pourquoi avec ces khurafat. Aïe, tel jour. Quand tu lui demandes, min ayn hada, il peut pas te répondre, lakin. C'est comme ça pour lui. Est-ce que c'est une cause valide dans notre dîn abadan? Il y en a les causes dans notre dîn, il doit avoir un texte. Est-ce que c'est une cause qui est fondée sur quelque chose? Maintenant, comme l'excès de vitesse. Tu ne trouveras pas un délil sur l'excès de vitesse. Mais notre dîn, il appuie l'excès de vitesse, ça peut faire du mal. Donc c'est une cause. Elle m'a voyagé lundi ou mardi. Elle est où la différence? Il n'y a aucune différence. Enfin, celui qui prétend que mardi c'est pas bien, oh, ça peut causer un mal. Hada. Emma, il a un problème dans sa raison. Emma, là, chaque s'il pense, hada, il a un problème dans son dîn. Ayyadam billah. Fa, qala, rahimahullah, wa hada kulluhu bila shak aqidatun batila. Ça, c'est une mauvaise croyance, ayyadam billah. Fa hada qawluhu laham. Donc, c'est cette aqida sur cet oiseau autre. On répète un avis, hadi la hadith. Et ça c'est important كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام quand il a mis en garde contre cette croyance par rapport à cet oiseau ou l'arabe quand ils ont appelé التطير لأنهم ils avaient l'habitude de le faire avec des oiseaux, c'est valable avec tout. Celui qui fait cela avec un chat, avec un chien, avec un cheval, c'est la même chose. Donc ça un tas tu les prends en guise d'exemple et si tu comprends le pourquoi, inshallah celui qui a cette croyance dans une créature, عياذا بالله, la chaque c'est de l'égarement. Et à notre époque, on a cité quelques exemples. Le chat noir, l'échelle, il a akhir. ثم قال رحمه الله وأما قوله ولا سفر صلى الله عليه وسلم ولا سفر. Et c'est pour cela donc qu'il a cité ce hadith dans le mois de Safar. قال في تفسيره فاختلف في تفسيره نفس الشيء. بعض العلماء ils ont cité plusieurs explications sur قوله لا سفر. فقال كثير من المتقدمين السفر داء في البطن يقال له أو يقال إنه دود فيه كبار كالحيات. C'est ce qu'on appelle nous les vers qui sont dans l'estomac. أحيانا ils font plusieurs mètres et ils sont dans l'estomac de l'être humain. وبعضهم ils ont dit c'est ça قوله لا سفر. وكانوا يعتقدون أنه يعدي فنفى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما بين الحافظ رحمه الله هذا فيه نظر. Pourquoi قال ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلا في قوله لا عدوى. Et certains ils ont dit la safar, c'est ce ver qui est dans le ventre et Obama tu peux contaminer un autre avec. Al Hafid il a dit c'est pas ça le معنى. Il y en a si ça serait ça le معنى, il y a aucune différence entre la safar et la adwa. Il y en a tout ce qui est contaminé, le fait de contaminer les maladies contagieuses et la akhira, on l'a cité dans la adwa. Donc ça montre que la safar c'est autre chose. هذا القول فيه ما فيه. قال و نختصر وقال الطائفه le deuxième قول ولي المراد وسافر شهر صفر ثم اختلفوا في تفسيره على قولين. Et c'est ça le sahih. قوله عليه الصلاة والسلام لا سفر c'est par rapport au mois de safar. C'est pour ça que le Hafiz ibn Rajab rahimahullah il a cité هذه المسألة dans son livre La Ta'if al-Ma'arif dans le chapitre du mois de safar. ثم il a cité deux قول par rapport au mois de safar. قال أحدهما أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي في النسي فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهو هذا قول مالك هذا في نظر بعض العلماء قال الحافظ هنا سيقول دون من مالك أنهم ils ont prétendu أن صفر c'était le fait de déplacer الحرمة du mois de محرم au mois de صفر بعض أهل الجاهلية faisaient هذا مثلاً pour combattre il y en a c'est interdit de combattre pendant les mois sacrés ils pensaient que le Muharram, il est plus sacré et à la place, ils avaient la conviction, la croyance que c'était Safar qui était sacré. Donc, ils déplaçaient le Hurma du mois de Muharram au mois d'après le mois de Safar. Hada, c'est interdit, la chèque. Lakin, c'est pas ça le Mourad. C'est pas ça l'explication du Hadith. L'explication du Hadith, c'est le deuxième qawl, anna al-Mourad, anna ahl al-jahiliya kanu يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عيادا بالله إذا avaient cette croyance أن صفر pour eux c'est un شهر مشؤوم أي si tu entreprenais de faire quelque chose dans ce mois voyager ou autre en général pour eux ça causait des malheurs عيادا بالله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر il n'y a pas de صفر. Est-ce que tu comprends qu'il n'y a pas de mois de Safar? Là, il y a un mois de Safar. Lakin, cette aqida qu'ils ont fi shahr Safar, elle est batila, elle est fausse. Qala, rahimahullah, wa la'alla hadha al-qawl ashbah al-aqwal. Na'am, c'est le qawl as-sahih. Kama rajaha Cheikh ibn Uthaymeen wa rahimahullah fi al-qawl mufid. Et kathir min shurrah kitab tawhid, ils ont choisi hadha al-qawl. Qala, wa kathir min al-juhal. يتشاءم بالسفر وربما ينهى عن السفر فيه والتشاؤم بالسفر او والتشاؤم بسفر بسفر لان سلموا والتشاؤم بسفر هو من جنس الطيره المنهي عنها وكذلك التشاؤم بيوم من الايام كيوم الاربعاء tout ça ça rentre في التطير la petite introduction qu'on a fait au début du dors اي traduisent on répète par la superstition et penser que tel mois tel jour ou telle chose qu'on entend ou qu'on voit, ça va nous porter malheur. Tout ça, c'est At-Tatayyur. Que ce soit le jour du mercredi, comme il a cité Al-Hafid ibn Rajab, ou le mois de Safar. Et à notre époque, par rapport aux endroits, aux pays, tu trouveras, ils ont du Tasha'um le jour du mercredi, d'autres ils auront le samedi, d'autres ils auront le mois de Safar, d'autres ils auront autre chose. عياذا بالله, الناس توسعوا في هذا. قال وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. أهل الجاهلية donc كانوا يتشاءمون بصفر خاصة par rapport au voyage donc ils voyageaient pas le mois de safar et كذلك ils avaient une عقيدة أن c'était pas bien de se marier le mois de شوال وقد قيل إن أصله أن طاعونا وقع في شوال في سنة من السنين فمات فيه كثير من العرائس فتشاءم بذلك أهل الجاهلية هذا c'est important صح أو لم يصح cette cause الحافظ il rapporte أن ils ont rapporté que la cause en Marra, il y a eu la peste dans un endroit et beaucoup de al-ara'is, les jeunes mariés, ils sont morts. Fannas, ils ont eu cette aqida, ce mois, si on se marie, au moment on va être touché par hada et le mu'taqad il est rentré. Ça nous montre quoi? Une fa'ida azima pour toi, akhil karim. Anna al-aqida, elle n'est pas fondée sur les expériences. Al-aqida, elle n'est pas fondée sur les rêves. Al-mu'taqad, il n'est pas fondé sur ce qui arrive. ربما واحد يفعل accident mercredi un de nos frères ونسأل الله العافية un deuxième il fait un autre accident le mercredi عند بعض العوام ils vont dire le mercredi il y a quelque chose عندنا on va dire là on va dire là c'est بقدر الله c'est بقدر الله combien de gens ils ont fait des accidents autres que mercredi et combien de gens ils feront des accidents autres que le mercredi donc في الحقيقة هذا سوء من الإبتلاء بعض الناس au lieu de s'accrocher au texte vu qu'ils ont une faiblesse إما الإنغانس إما الشيء من الإعراض إما الهوى إما الإنغانس إما بعضهم يسددون إما الباسيون tu trouves أنهم يسكروشوا à beaucoup de choses parmi les causes أو les choses sur lesquelles ils s'accrochent ce qui vient de citer le Hafid ibn Rajab مثلا il s'est passé dans tel village Anahum, ils ont eu une maladie le mois de Shawwal, ou la peste, elle les a touchés le mois de Shawwal, et des jeunes mariés sont morts, ils vont fonder une croyance sur ça. Se marier le mois de Shawwal, c'est mauvais. Et kadhalika, à notre époque, kathiran, khasatan, à cause du groupe des soufis, akhzahumullah, les rêves. Anahum, il fait un rêve. Thumma, il va baser son hukm, et telle chose allait bien, ou elle est pas bien, sur le rêve. Alors que celui qui légifère, cette chose, elle est halal, haram, ou elle est bien, elle est pas bien, c'est une sunnah, c'est une bid'a, c'est wajib, c'est pas wajib, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit la révélation. Ammahum, toutes les khurafat, elles sont basées sur ce genre de choses. Qala, rahimahullah, wa qad warada al-shar' bi ibtalihi, qalat Aisha radiyallahu anha, tazawajani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shawwal, wa banabi fi shawwal. Anzur, al-hadith, قال نعم أخرجه ابن ماجه ف أو لا plutôt c'est le deuxième هذا لأن il a rapporté كذلك وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أما هذا اللي في سنن ابن ماجه فينظر est-ce qu'il est صحيح أم لا أما الحديث عائشة اللي في صحيح مسلم في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في شوال وبنى بها في شوال il s'est marié avec elle le mois de شوال. Malgré cela, tu trouveras des personnes qui feront passer l'expérience ou ce qui s'est passé avant le hadith. Limada, il y en a un problème dans les cœurs. Un musulman, normalement, il doit faire passer les adillah, les preuves du Coran de la Sunna, avant les rêves, les expériences, ce qui s'est passé, il a akhir. Limada, l'an Allah Azza wa Jal, c'est l'alim, c'est le khabir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié le mois de Shawwal, c'est que c'est autorisé. Celui qui dit que c'est pas permis, iyadan billah, c'est très très grave. Même si, mathalan, des gens qui se sont mariés le mois de Shawwal, ils ont eu des problèmes, ça n'a rien à voir. Limadha li anna hadha c'est bi qadarillah, ça n'a rien à voir avec le mois de Shawwal. Fahadha. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, c'est pas cité dans le livre, bien sûr, c'est une faïda. Min kharij hadha al-kitab. في كتابه النافع مفتاح دار السعادة ومن امتنع بها عما عزم عليه أي celui qui délaisse une chose à cause de ses khurafats à cause de ses inventions de cette mauvaise croyance la superstition الطيرة قال فقد قرع باب الشرك عيدا بالله في الحقيقة هؤلاء ils ont frappé à la porte du shirk il manque plus que la porte elle s'ouvre et il rentre عيدا بالله لماذا قال فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله بل c'est du shirk il a frappé à la porte et il a ouvert celui qui a cette croyance لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الطيره شرك il l'a répété plusieurs fois et تقدم معنا هذا et تقدم معنا كذلك التفصيل quand est-ce que c'est du shirk akbar quand est-ce que c'est du shirk asghar ثم قال هنا رحمه الله وبرئ من التوكل على الله صحيح il a délaissé le tawakkul ala Allah et s'accroche à ces choses qui n'ont aucun fondement وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله c'est pour ça que tu trouves هؤلاء الجهال c'est من اضعف الناس ils ont pas de courage la moindre chose elle leur fait peur on le voit هذا في العوام ربما vous l'avez vu chez certains proches Une chose, ils voient une chose, ils entendent une chose, ça leur fait peur. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent, on m'a dit, Fulan il a fait un rêve, c'est pas bien de faire telle chose, il a akhir. Wa fil muqabil fi hududillahi subhanahu wa ta'ala, fa yaqdumun wa la yuvalun. Alors que les choses interdites ou qu'il y a un délit, rubbama yal ijma', bal rubbama c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, ou le fait de faire cette chose, c'est du kufr bil ijma', ils la font wa la yuvalun. Il est où le problème? Il est où le problème ? لأن القلب, le cœur de Bani Adam, imma, il va accepter هذه العقيدة, عقيدة التوحيد avec le tawakkul على الله إلى آخره, et celui qui n'a pas cette عقيدة, son cœur, ça devient un récipient pour tout char. Toutes les عقائد باطلة إلى آخره, son cœur les acceptera. لماذا ? لأن التوحيد c'est un حصن حصين, c'est un bouclier, c'est un rempart contre toutes ces خرافات. T'as vu que ha'oula, kathir minhum, ils connaissent pas le tawhid, ils ont pas appris le tawhid, ils donnent pas d'importance à ce tawhid, masakin, ils croient en des choses, na'oudhu billah minha, tastahi, tu as honte de les citer, tellement que c'est fondé sur rien. قال والتعلق بغير الله انتهى. فلهذا قال رحمه الله فيني سون كلام قال وفي الجملة أو قبل ذلك وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضر باسمه هنا قال مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاء. هذا من أذكار الصباح لفدجي طواف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا ذكر مفيد qu'on doit dire في الصباح trois fois. لماذا؟ لأن هذا ça nous montre أن أخي الكريم أخي المسلم si tu veux te préserver il y a des causes que Cheikh Fawzan حفظه الله il a cité في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد dans le bab sur la superstition الطيرة قال فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاث. تستفيد من هذا أنه une maladie. هذا المرض c'est une maladie du cœur, elle a besoin d'un remède. Elle a besoin d'une chose pour guérir. Des causes. قال أولا التوكل على الله. هذا الإنسان il fait des efforts في التوحيد, l'apprentissage. La lecture, il écoute des durus في التوحيد. حتى يقوى توكله. Il place sa confiance en Allah. Un chat, il ne peut rien te donner. Un mois, il ne peut rien t'enlever. Un jour, il ne peut rien te rajouter. C'est Allah qui a créé ces jours et ces mois. C'est Allah qui a créé le temps. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Fais les causes légiférées. Apprends ton dîn, apprends ton tawhid, et tu verras que ça ne te fera aucun mal. Et même si ça te touche. Le problème, on vit à une époque. Vous avez remarqué, les gens, ils ne veulent aucune épreuve. Il ne veut pas tomber malade, il ne veut pas avoir des problèmes de santé, il ne veut pas avoir de pauvreté. L'échec, en tant qu'être humain, on n'aime pas ces choses, on ne les veut pas. Lakin, on accepte l'imad al-yana, on est fait dunya. Al-dunya, si je ne le mu'min, on n'est pas fait le jannah. Fa-ba'aduhum yusib bi-shay ka'annahu khalas. Ka'annahu ma'adri yash-hasal. Tu as eu un accident, tout le monde a des accidents. Tout le monde, beaucoup de gens ont des accidents. Al-amr sahl. Si tu es blessé, inshallah, tu vas te soigner. Si tu as perdu ta voiture, inshallah, tu vas avoir une autre voiture. Et passe à autre chose. Lakin, vu que al-qulub muta'alliqa bi-dunya, les gens, ils n'acceptent pas d'être touchés via hada shay. C'est pour ça que, ils ont ce sujet est devenu énorme pour eux et ils font tout pour cette dunya, yadam billah. Donc la première chose, c'est tawakkul ala Allah. La deuxième chose, al-mudhi wa adam at-ta'athur bihada. Et hada, c'est nafi' pour ceux qui avaient cette aqida. Les nawadnas, ils ont grandi avec ça, seulement ils ont compris que c'était haram et que al-haqiqa c'était fondé sur rien. Lakin, il y a des traces encore dans le cœur. Avec le temps, ça part. Ha'oula, al-mudhi wa adam at-ta'athur. Tu as vu un chat noir, avance. Avance. Même si Shaitan te fait croire, mais il n'y a rien du tout. Ce chat, la yadur wa la yamfa' nafsa. Et c'est pas un sebeb pour le bien ou pour le mal. C'est un chat parmi les chats. Donc avance et ne te retourne pas. Fais pas attention à ces choses. Et le troisième sebeb, et c'est min a'zam al-asbab, al-du'a. Al-insan il fait du'a. Al-insan yuhafidh ala adhkari al-sabah wal-masa. Ça, c'est une cause légiférée pour préserver le musulman. Même si tu es touché par une épreuve, il y en a, tu seras touché par des épreuves. Tu es un être humain, khasatan si tu es un musulman, khasatan si tu fais des efforts dans ton dîn. Lakin, cette épreuve, elle te fera pas de mal. فَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحْ وَيُمْسِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ça te fera pas de mal. Cet accident ne te fera pas de mal. Dans ton dîn, même si ça te, bien sûr, ça peut te blesser l'akhirah, lakin, alhamdulillah, ça te retardera pas, ça te fera aucune nuisance dans ton dîn. Et c'est ça l'essentiel. Cette pauvreté, elle te fera pas de mal dans ton dîn. Cette maladie, elle te fera pas de mal dans ton dîn. Il a akhirah. Amma, kam min an-nas, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils sont en bonne santé, lakin, iyadam billah, ils ont pas de dîn. Fahaoula, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où ils mourront? Ça nous montre, Anna, l'essentiel, c'est de préserver son dîn et se préparer pour l'au-delà. هذه الأسباب مهمة. ثم الحافظ إلى conclu هذا الكلام قال وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عز وجل فإذا سخط الله عز وجل على عبده الشقي في الدنيا والآخرة كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا سان كلام مفيد. Al-Hafid ibn Rajab, qu'est-ce qu'il veut montrer, rahimahullah? Il veut montrer, là, ce qui fait du mal, c'est les dhunoub. C'est pas le fait de passer sous une échelle, où on est le vendredi 13, où on est au mois de Safar, où tu as vu un chat noir. Ça, c'est rien, ça change rien, fil-haqiqa. C'est des choses normales. Le vendredi 13, ça arrive souvent, il a akhiré. Ça change quoi? Le mois de Safar, ça vient une fois par an. Lakin, ce qui fait du mal, c'est al-ma'asi wa dhunoub. C'est ça qui fait du mal au abd. Et vous avez remarqué que, tu trouves maintenant une femme, elle va essayer de te montrer que c'est pas bien de laver les habits le mercredi. C'est fondé sur rien, taïb. Thumma, tu vas trouver cette femme, elle se mélange aux hommes. Elle serre la main aux hommes. Robama, plus que cela. Robama, elle fait pas salat. Robama, elle sort dévoilée. Elle sort parfumée. Elle a un mauvais comportement. Elle a une mauvaise aqida. Elle apprend pas son din. Et elle va s'accrocher à ne pas laver les habits le samedi. Ça vient d'où, hada? Ça vient de Shaitan. Il a égaré, haoula. Limadha li anna l'insan, il aime bien le bien et il déteste le mal. Lakin al-mushkila, il faut définir c'est quoi le bien et le mal. Vous avez remarqué que Ba'adanès, il pense que le bien, c'est quoi? D'avoir un bon comportement, de pas faire mal aux autres, de mal aux autres, c'est ça le bien. Et le mal, c'est quoi? C'est l'injustice envers les autres. Ils ont compris ça. Donc tu les vois, sahih, ils font pas de mal aux autres et ils essaient d'avoir un bon comportement, ça s'arrête là. La salat, la tawhid, la aqida, la wala, la bara, etc. C'est pour ça que tu trouves Ba'd al-Kuffar, ils ont ces awsaf. Ils essayent de faire du bien, ben ils font du bien en apparence et ils essayent de pas être injustes. Est-ce que ça fait d'eux des croyants et la akhira? Ça reste min abghad khalqillah. Et si ma ala kufrihim, ils iront en enfer. فَلِهَذَا connaître le bien, connaître le mal, c'est muhim. Ce qui fait du mal, c'est al-ma'asi al-dhunub. C'est pas le chat noir ou l'échelle, abadan. فَهَذَا الْكَلَامِ الْمُفِيدِ لَكِنَ الْمُصِيبَ c'est quoi? C'est أن أكثر المسلمين ils connaissent pas هذا الكلام. أكثر المسلمين أن ils connaissent pas ce livre. Vous avez vu, le livre, il est très très simple. Il est très très simple. Al-Hafid ibn Rajab, il a démontré le mas'ala bi kulli basata wa suhula. Lakin al-mushkila, envers une époque, les gens ne yaqra'oun. Ils lisent pas. Wa la yata'allamoun. Ils apprennent pas. Al-an wa lillahi alhamd. On vit à une époque, an al-ilm, c'est très simple. Même tu lis pas, tu sais pas lire, tu peux écouter. Tout le monde a un téléphone. Wa lillahi alhamd, dans les réseaux sociaux, des doros partout, il a un khalé. Lakin. Wallahi, même si tu lui emmènes le shir chez lui, il est de sa famille, si le cœur il est malade, wallahi, il ne l'écoutera pas. C'est pour ça que tu trouves ulama et leur famille ne sont pas à la khair. Imma leur enfant, imma leur frère, imma. Limadha li anna al-hidayah c'est biyadillah, azza wa jalla. Fa hadha al-kalam, il est mufid. Thumma, à la fin, kadhalik, il a cité Dahab al-Waqt, wa illa fa, il a insisté sur le fait que les péchés, c'était ça le mal. Thumma, il a conclu par une phrase jamila, qala ya man dha'a qalbuhu inshidhu fi majlis adh-dhikr asa an tajidahu. Thumma, il fait une nasiha à tous les musulmans, ya man dha'a qalbuhu, ya ayyuhal muslim, si tu as perdu ton cœur, si ton cœur il est encore attaché, il faut pas laver les habits le mercredi, j'ai vu un chat noir, toutes ces khurafat, fa essaye d'aller récupérer, essayer d'aller chercher un cœur sain. Fi majalis adh-dhikr. Majalis adh-dhikr, c'est quoi? C'est les assises de Ahlul Ilm, des savants. Lisez le Coran. Lisez ce Coran et faites des efforts pour comprendre. On a un autre problème, nous, c'est qu'à notre époque, le Coran, chaque musulman, si tu lui demandes, il te dira c'est la guidée, c'est le haq, c'est kalamullah, il a akhari. Lakin, imma, ba'danas, il ne le lise pas. Ils se contentent l'un de l'accrocher dans leur voiture, dans leur maison, dans leur salon. Il n'y a aucune utilité. Belle, tout ça, c'est des innovations. Ça n'existe pas dans notre din. Coran, c'est pas pour décorer. Imma, ils le lisent et ils comprennent pas. Tu le vois, hada fil masajid. Entre le maghrib et l'isha, madalan, dans nos masajid, ils se rassemblent, ils lisent le Coran. Ou la ahad yafam. Ou aktharhum la yafam. Le wahad, il leur expliquerait un truc simple. Madalan, ils lisent, mitla hadi al-kutub. Et ils lisent le Coran avec tafsir, maintenant tafsir Cheikh Sa'di ou un autre tafsir simple, c'est istafidun kathiran. Lakin, imma, il n'y a pas d'effort dans l'ilm, imma, l'ilm, les assises, elles ne sont pas comme elles devraient être. Fa kathirun min nas la yistafidun, lil asaf. Qala ya man marida qalbuhu, ihmilhu ila majalis al-dhikr, la'allahu an yu'afa. Majalis al-dhikr, ma rastanat, hakada qal, ma rastanat. Ça, c'est une kalima. قال في الحاشية ما نعرفها مارستان هو دار المرضى نعم Et il est mu'arrab. Naam, c'est pas une kalima arabiya. Enfin, le Hafid ibn Rajab, il a cité ce mot et c'est pas un mot arabe. Laquelle les arabes, à son époque, ils l'employaient. Al-Muhim, c'est Darul Marda. C'est comme à notre époque, les hôpitaux. Al-Mustashfayyad. Faqala huna, si tu as un cœur malade, emmène-le à l'hôpital se faire soigner. C'est quoi les hôpitaux des cœurs? C'est halaqat al-ilm. C'est le majalis. Tu trouveras pas un hôpital. Ça existera jamais pour soigner les cœurs de l'égarement. Abadan. Tu as des hôpitaux, c'est pour les problèmes cardiaques, c'est pour les problèmes de ventre, il a akhiré, par rapport au corps. Amma, il peut guider ton cœur, réparer, soigner, par rapport à l'égarement, abadan. Ça c'est le Coran. Amma autre, al-hafidh huna, il insiste, قال, majalis al-dhikr. ما رستنات الذنوب تداوى فيها أمراض القلوب كما تداوى أمراض الأبدان في ما رستنات الدنيا. Et on conclut avec هذا أن on vit une époque أن الناس ils appliquent que la deuxième partie. أن on s'ils ont un problème ولو minime directement ils vont à l'hôpital. بل بعضهم ils exagèrent. بعضهم ils vont à l'hôpital ils ont rien. أيدي وساوس فقط à cause de cette mauvaise عقيدة. Ils voient le mal partout, ils ont une chose où ils voient leur enfant. Obama, il est simplement fatigué, l'hôpital. Et l'hôpital, al-anfa' pour les cœurs, les assises de ilm, les masajid. Fakathirun min al-nas, ils ont délaissé هذا الشيء. فهذا الذي أردنا من هذا الباب النفيس من هذا الكتاب النافع لطائف المعارف ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يجنبنا من هذه الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين